Bonjour à tous, bienvenue à la lecture du dimanche 26 mars. Désolé si on est tard dans la journée pour le faire. On a été bien pris, mais j'espère que vous avez passé une belle journée du dimanche, un beau sabbat avec le superbe soleil qui nous réchauffait. Voilà, plongeons-nous directement dans Deutéronome. Ce soir, c'est le chapitre 4, 44, jusqu'au verset 25 du sixième chapitre. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Il leur en communiqua les exigences, les dispositions et les règles après qu'ils eurent quitté l'Égypte. Il se trouva alors à l'est du Jourdain, dans la vallée située en face de Beth-Péor, au pays de Sion, roi des Amorites. Sion résidait à Heshbon, mais Moïse et les Israélites l'avaient vaincu après leur sortie d'Égypte, et s'était emparé de son pays, de même que du pays d'Og, roi de Bashan. Ces deux rois amorites régnaient à l'est du Jourdain. Les Israélites occupèrent ainsi la région qui s'étend d'Aroer sur l'Arnon au mont Hermon, appelé aussi Sion, région qui englobe la partie orientale de la vallée du Jourdain jusqu'à la mer Morte au pied du mont Pisga. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et leur dit: Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous transmets aujourd'hui. Ayez soin de les apprendre et de les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Il ne l'a pas conclue avec nos pères seulement, mais avec nous tous qui sommes encore vivants ici aujourd'hui. Sur la montagne, le Seigneur vous a parlé face à face du milieu du feu. À ce moment-là, je me tenais entre le Seigneur et vous, et je vous ai communiqué ce qu'il disait, car vous aviez peur de ce feu et vous ne vouliez pas monter sur la montagne. Le Seigneur vous a déclaré: « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Prends soin de me consacrer le jour du sabbat comme je te l'ai ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou tes servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre des bêtes chez toi, ni l'étranger qui réside chez toi. Tes serviteurs et servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. N'oublie pas que tu as été esclave en Égypte et que je t'en ai fait sortir grâce à ma force irrésistible. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné d'observer le repos du sabbat. Respecte ton père et ta mère, comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne commettras pas le vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tels sont les commandements que le Seigneur vous a communiqués d'une voix puissante, du milieu du feu, de la fumée et de l'épais nuage. Il s'adressait à vous tous qui étiez rassemblés au pied de la montagne, et il n'a pas ajouté d'autres commandements. Ensuite, il a écrit ceci sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a remises. Lorsque vous avez entendu cette voix venant du milieu de l'obscurité, sur la montagne qui semblait en feu, les chefs des anciens de vos tribus se sont avancés jusqu'à moi. Ils ont dit: « Le Seigneur notre Dieu a manifesté devant nous sa grandeur et sa gloire. Nous l'avons entendu parler du milieu du feu. Nous constatons donc aujourd'hui que Dieu peut parler aux hommes sans que ceux-ci perdent la vie. Mais pourquoi nous exposer à mourir dévorés par ce grand feu? Si nous écoutons encore la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons certainement. Jamais, en effet, un être humain n'est resté en vie après avoir entendu, comme nous, le Dieu vivant, lui parler du milieu du feu. Toi, Moïse, approche-toi du Seigneur notre Dieu et écoute ce qu'il dit. Tu nous communiqueras ensuite ces paroles. Nous les écouterons et nous les mettrons en pratique. Le Seigneur a entendu vos propos et il m'a déclaré, j'ai entendu ce que le peuple a dit. Il a eu raison de parler ainsi. Si seulement ils étaient toujours disposés à me respecter en mettant en pratique tous mes commandements, eux et leurs descendants y trouveraient le bonheur en tout temps. Va leur ordonner maintenant de regagner leur tente. Toi, par contre, reste ici auprès de moi. Je vais te communiquer tous les commandements, les lois et les règles que tu devras leur enseigner, pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donnerai en possession. Ainsi continua Moïse, veillez à mettre en pratique tout ce que le Seigneur votre Dieu vous a ordonné sans jamais vous en écarter. Vous suivrez soigneusement le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a tracé afin que vous puissiez vivre et que votre vie soit longue et heureuse dans le pays dont vous allez prendre possession. Voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt prendre possession. Vous apprendrez ainsi, tout au long de votre existence, à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir aux lois et aux commandements que je vous ai communiqués pour vous et pour vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Tenez en compte, Israélites, et veillez à les mettre en pratique. Vous y trouverez le bonheur et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui regorge de lait et de miel, comme vous l'a promis le Seigneur, Dieu de vos ancêtres. Écoute, peuple d'Israël. Le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes des villes. Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il l'a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, vous y trouverez de grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas amassées, des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Vous le respecterez et vous l'adorerez lui seul. Vous ne prêterez serment qu'en son nom. Vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux, les dieux des nations qui vous entoureront, car le Seigneur votre Dieu, qui est présent au milieu de vous, est un Dieu exigeant. Prenez garde à ne pas provoquer sa colère parce qu'il pourrait vous exterminer de la surface de la terre. Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve comme vous l'avez fait à Massa. Obéissez fidèlement aux commandements, aux instructions et aux lois qu'il vous a données. Agissez avec droiture, faites ce qui plaît au Seigneur. Alors vous trouverez le bonheur et vous réussirez à prendre possession du bon pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Vous en chasserez vos ennemis comme l'a déclaré le Seigneur. Lorsque dans l'avenir vos enfants vous demanderont « Pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ses instructions, ses lois et ses règles ?» Vous leur répondrez « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et le Seigneur nous a fait sortir de ce pays grâce à sa force irrésistible. Nous avons vu les prodiges extraordinaires impressionnants par lesquels il a infligé le malheur au Pharaon, à sa famille et à tout son peuple. Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous conduire dans le pays qu'il veut nous donner, comme il l'a promis à nos ancêtres. Alors il nous a ordonné de mettre en pratique toutes ses lois. Nous trouverons en tout temps le bonheur si nous respectons le Seigneur notre Dieu. Il nous maintiendra en vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite sera conforme à ce qu'il veut. Psaume 68, versets 20 à 36. Qu'on remercie le Seigneur jour après jour. Il nous prend en charge. Dieu est notre sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. Lui, le Seigneur, dispose des moyens de nous faire échapper à la mort. Mais Dieu brisera sûrement le crâne de ses ennemis, la tête chevelue de ceux qui se rendent coupables. Le Seigneur a déclaré, je ramènerai du Bashan, j'en ramènerai du fond de la mer pour que tes pieds pataugent dans le sang et que tes chiens aient leur part de festin sur le cadavre de tes ennemis. Ô Dieu, on a vu ton cortège triomphal, ton cortège dans le Saint-Temple, mon Dieu, mon roi. En tête les chanteurs, en queue les musiciens, au milieu les jeunes filles avec leurs tambourins. Remerciez Dieu dans les assemblées, remerciez le Seigneur, vous qui avez vos racines en Israël. En premier vient Benjamin, la plus petite des tribus. Ensuite, les chefs de Juda en habits richement brodés, puis les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali. Mon Dieu, donne un ordre à la mesure de ta force divine qui a tant fait pour nous. De ton temple qui domine Jérusalem, là où les rois t'apporteront leurs dons, lance tes menaces à la bête des roseaux, au troupeau des taureaux et au peuple de veaux qui se soumettent en t'offrant des pièces d'argent. Disperse les peuples qui se plaisent à la guerre. Des ambassadeurs arrivent d'Égypte, les Éthiopiens accourent vers Dieu en tendant les mains. Royaume de la terre, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez le Seigneur qui chevauche au plus haut du ciel éternel. Le voici qui fait gronder sa forte voix. Proclamez que la force est à Dieu, que sa majesté domine Israël et que sa force a la hauteur des nuages. Ô Dieu, tu te révèles redoutable depuis ton sanctuaire. C'est le Dieu d'Israël qui donne à son peuple force et pouvoir. Merci à Dieu. Proverbe 11, 13, 14. Celui qui parle à tort et à travers trahit aussi les secrets. Un homme digne de confiance garde tout pour lui. Un peuple périt quand il n'est pas dirigé. Un grand nombre de conseillers assure la victoire. La lecture dans le Nouveau Testament est encore dans la lettre aux Hébreux. On est au 4e chapitre, verset 14, jusqu'au 5e chapitre, verset 10. Tenons donc fermement dans la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y retrouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Tout grand prêtre choisi parmi les hommes a pour fonction de servir Dieu en leur faveur. Il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est lui-même exposé à bien des faiblesses. Il peut donc montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les siens. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre. On le devient seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il a reçu de Dieu, qui lui a déclaré, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Et ailleurs, il a dit aussi, tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a offert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisédek. Alors prions. Seigneur grand Dieu, tu es notre grand prêtre. Quand on relit ou quand on découvre la lecture de l'histoire du peuple d'Israël, surtout à partir de Joseph, ses frères et sœurs. Et de lui et de ses frères sont sorties les tribus d'Israël. Et après ça, on a vu le peuple s'écarter, revenir à la foi, s'écarter de toi, mais tu ne les as jamais abandonnés. Et toutes ces exigences-là, Seigneur, c'était important. On pouvait pas se présenter devant toi de n'importe comment. Mais grâce à Jésus, maintenant, on peut se présenter à toi tel que nous sommes, parce que Jésus a déjà tout payé. Il a été notre grand prêtre à nous, le sacrifice ultime. Et on veut se rappeler, Seigneur, qu'on était esclaves du Pharaon en Égypte. Je crois qu'on peut dire qu'on était esclaves du péché. Et tu es venu nous chercher de la fosse où nous étions. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Par le péché, on était morts et tu nous as arrachés à cette mort-là pour nous donner la liberté en toi, pour nous affranchir. Aide-nous, Seigneur, à toujours plus t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Amen.